Maupassant. Voici ce que nous raconta le vieux marquis d'Harville à la fin du dîner de Saint-Hubert chez le baron des Ravel. On avait forcé un cerf dans le jour. Le marquis était le seul des convives qui n'eut point pris part à cette poursuite, car il ne chassait jamais. Pendant toute la durée du grand repas, on n'avait guère parlé que de massacres d'animaux. Les femmes elles-mêmes s'intéressaient aux récits sanguinaires et souvent invraisemblables, et les orateurs mimaient les attaques et les combats d'hommes contre les bêtes, levaient les bras, comptaient d'une voix tonnante. Monsieur d'Harville parlait bien, avec une certaine poésie, un peu ronflante, mais pleine d'effet. Il avait dû répéter souvent cette histoire, car il la disait couramment, n'hésitant pas sur les mots choisis avec habileté pour faire image. « Messieurs, je n'ai jamais chassé. Mon père non plus, mon grand-père non plus, et non plus mon arrière-grand-père. Ce dernier était fils d'un homme qui chassa plus que vous tous. » Il mourut en 1764, je vous dirai comment. Il se nommait Jean, était marié, père de cet enfant qui fut mon trisaïeul, et il habitait avec son frère cadet, François d'Harville, notre château de Lorraine, en pleine forêt. François d'Harville était resté garçon par amour de la chasse. Ils chassaient tous deux d'un bout à l'autre de l'année, sans repos, sans arrêt, sans lassitude. Il n'aimait que cela, ne comprenait pas autre chose, ne parlait que de cela, ne vivait que pour cela. Ils avaient au cœur cette passion terrible, inexorable. Elle les brûlait, les ayant envahis tout entiers, ne laissant de place pour rien d'autre. Ils avaient défendu qu'on les dérangeât jamais en chasse, pour aucune raison. Mon trisaïeul naquit pendant que son père suivait un renard, et Jean d'Harville n'interrompit point sa course, mais il jura, nom d'un nom, ce gredin-là aurait bien pu attendre la prêle à la lie. Son frère François se montrait encore plus emporté que lui. Dès son lever, il allait voir les chiens, puis les chevaux, puis il tirait des oiseaux autour du château jusqu'au moment de partir pour forcer quelques grosses bêtes. On les appelait dans le pays Monsieur le Marquis et Monsieur le Cadet, les nobles d'alors ne faisant point comme la noblesse d'occasion de notre temps, qui veut établir dans les titres une hiérarchie descendante. Car le fils d'un marquis n'est pas plus comte, ni le fils d'un vicomte baron, que le fils d'un général n'est colonel de naissance. Mais la vanité mesquine du jour trouve profit à cet arrangement. Je reviens à mes ancêtres. Ils étaient, paraît-il, démesurément grands, osseux, poilus, violents et vigoureux. Le jeune, plus haut encore que l'aîné, avait une voix tellement forte que, suivant une légende dont il était fier, toutes les feuilles de la forêt s'agitaient quand il criait. Et lorsqu'il se mettait en selle tous deux pour partir en chasse, ce devait être un spectacle superbe de voir ces deux géants enfourcher leurs grands chevaux. Or, vers le milieu de l'hiver de cette année 1764, les froids furent excessifs et les loups devinrent féroces. Ils attaquaient même les paysans attardés, rôdaient la nuit autour des maisons, hurlaient du coucher du soleil à son lever et dépeuplaient les étables. Et bientôt une rumeur circula. On parlait d'un loup colossal, au pelage gris, presque blanc, qui avait mangé deux enfants, dévoré le bras d'une femme, étranglé tous les chiens de garde du pays et qui pénétrait sans peur dans les enclos pour venir flairer sous les portes. Tous les habitants affirmaient avoir senti son souffle qui faisait vaciller la flamme des lumières. Et bientôt une panique courut par toute la province. Personne n'osait plus sortir dès que tombait le soir. Les ténèbres semblaient hantées par l'image de cette bête. Les frères d'Harville résolurent de la trouver et de la tuer, et ils convièrent à de grandes chasses tous les gentilshommes du pays. Ce fut en vain. On avait beau battre les forêts, fouiller les buissons, on ne la rencontrait jamais. On tuait des loups, mais pas celui-là. Et chaque nuit qui suivait la battue, l'animal, comme pour se venger, attaquait quelques voyageurs ou dévorait quelques bétail, toujours loin du lieu où on l'avait cherché. Une nuit, enfin, il pénétra dans l'étable au port du château d'Harville et mangea les deux plus beaux élèves. Les deux frères furent enflammés de colère, considérant cette attaque comme une bravade du monstre, une injure directe, un défi. Ils prirent tous leurs forts limiers habitués à poursuivre les bêtes redoutables et ils se mirent en chasse, le cœur soulevé de fureur. Depuis l'aurore jusqu'à l'heure où le soleil empourpré descendit derrière les grands arbres nus, ils battirent les fourrés sans rien trouver. Tous deux enfin, furieux et désolés, revenaient au pas de leurs chevaux par une allée bordée de broussailles et s'étonnaient de leur science déjouée par ce loup, saisi soudain d'une sorte de crainte mystérieuse. L'aîné disait « Cette bête-là n'est point ordinaire. On dirait qu'elle pense comme un homme. » Le cadet répondit « On devrait peut-être faire bénir une balle par notre cousin l'évêque ou prier quelque prêtre de prononcer les paroles qu'il faut. » Puis ils se turent. Jean reprit « Regarde le soleil, s'il est rouge. Le grand loup va faire quelque malheur cette nuit. » Il n'avait point fini de parler que son cheval se cabra. Celui de François se mit à ruer. Un large buisson couvert de feuilles mortes s'ouvrit devant eux, et une bête colossale, toute grise, surgit, qui détala à travers le bois. Tous deux poussèrent une sorte de grognement de joie, et se courbant sur l'encolure de leurs pesants chevaux, ils les jetèrent en avant d'une poussée de tout leur corps, les lançant d'une telle allure, les excitant, les entraînant, les affolant de la voix, du geste et de l'éperon, que les forts cavaliers semblaient porter les lourdes bêtes entre leurs cuisses comme s'ils s'envolaient. Ils allaient ainsi, ventre à terre, crevant les fourrés, coupant les ravins, grimpant les côtes, dévalant dans les gorges et sonnant du corps à plein poumon pour attirer leurs gens et leurs chiens. Et voilà que soudain, dans cette course éperdue, mon aïeul heurta du front une branche énorme qui lui fendit le crâne. Et il tomba raide mort sur le sol, tandis que son cheval, affolé et s'emportait, disparaissait dans l'ombre enveloppant les bois. Le cadet d'Harville s'arrêta net. Sauta par terre, saisit dans ses bras son frère, et il vit que la cervelle coulait de la plaie avec le sang. Alors il s'assit auprès du corps, posa sur ses genoux la tête défigurée et rouge, et il attendit en contemplant cette face immobile de l'aîné. Peu à peu, une peur l'envahissait, une peur singulière qu'il n'avait jamais sentie encore, la peur de l'ombre, la peur de la solitude, la peur du bois désert, et la peur aussi du loup fantastique qui venait de tuer son frère pour se venger d'eux. Les ténèbres s'épaississaient, le froid aigu faisait craquer les arbres. François se leva, frissonnant, incapable de rester là plus longtemps, se sentant presque défaillir. On n'entendait plus rien, ni la voix des chiens, ni le son des corps. Tout était muet par l'invisible horizon. Et ce silence morne du soir glacé avait quelque chose d'effrayant et d'étrange. Il saisit dans ses mains de colosse le grand corps de Jean, le dressa et le coucha sur la selle pour le reporter au château. Puis il se remit en marche doucement, l'esprit troublé comme s'il était gris, poursuivi par des images horribles et surprenantes. Et brusquement, dans le sentier qu'envahissait la nuit, une grande forme passa. C'était la bête. Une secousse d'épouvante agita le chasseur. Quelque chose de froid, comme une goutte d'eau, lui glissa le long des reins. Et il fit, ainsi qu'un moine hanté du diable, un grand signe de croix, éperdu à ce retour brusque de l'effrayant rôdeur. Mais ses yeux retombèrent sur le corps inerte couché devant lui. Et soudain, passant brusquement de la crainte à la colère, il frémit d'une rage désordonnée. Alors il piqua son cheval et s'élança derrière le loup. Il le suivait par les taillis, les ravines et les futaies, traversant des bois qu'il ne reconnaissait plus, l'œil fixé sur la tache blanche qui fuyait dans la nuit descendue sur la terre. Son cheval aussi semblait animé d'une force et d'une ardeur inconnues. Il galopait le cou tendu droit devant lui, heurtant aux arbres, aux rochers, la tête et les pieds du mort jetés en travers sur la selle. Les ronces arrachaient les cheveux, le front battant les troncs énormes, les éclaboussaient de sang, les éperons déchiraient des lambeaux d'écorce. Et soudain, l'animal et le cavalier sortirent de la forêt et se ruèrent dans un vallon comme la lune apparaissait au-dessus des monts. Ce vallon était pierreux, fermé par des roches énormes, sans issue possible, et le loup acculé se retourna. François alors poussa un hurlement de joie que les échos répétèrent comme un roulement de tonnerre, et il sauta de cheval, son coutelas à la main. La bête hérissée, le dos rond, l'attendait. Ses yeux luisaient comme deux étoiles. Mais avant de livrer bataille, le fort chasseur, empoignant son frère, l'assit sur une roche et soutenant avec des pierres sa tête qui n'était plus qu'une tache de sang, il lui cria dans les oreilles comme s'il eût parlé à un sourd « Regarde, Jean, regarde ça !» Puis il se jeta sur le monstre. Il se sentait fort à culbuter une montagne, à broyer des pierres dans ses mains. La bête le voulut mordre, cherchant à lui fouiller le ventre. Mais il l'avait saisi par le cou, sans même se servir de son arme, et il l'étranglait doucement, écoutant s'arrêter les souffles de sa gorge et les battements de son cœur. Et il riait, jouissant éperdument, serrant de plus en plus sa formidable étreinte, criant dans un délire de joie « Regarde, Jean, regarde !» Toute résistance cessa. Le corps du loup devint flasque. Il était mort. Alors François, le prenant à plein bras, l'emporta et le vint jeter aux pieds de l'aîné en répétant d'une voix attendrie « Tiens, tiens, tiens, mon petit Jean, le voilà !» Puis il replaça sur sa selle les deux cadavres, l'un sur l'autre, et il se mit en route. Il rentra au château, riant et pleurant, comme Gargantua la naissance de Pantagruel, poussant des cris de triomphe et trépignant d'allégresse, en racontant la mort de l'animal et gémissant et s'arrachant la barbe en disant celle de son frère. Et souvent, plus tard, quand il reparlait de ce jour, il prononçait les larmes aux yeux « Si seulement ce pauvre Jean avait pu me voir étrangler l'autre, il serait mort content, j'en suis sûr. » La veuve de mon aïeul inspira à son fils orphelin l'horreur de la chasse, qui s'est transmise de père en fils jusqu'à moi. Le marquis d'Harville se tut. Quelqu'un demanda « Cette histoire est une légende, n'est-ce pas ?» Et le conteur répondit « Je vous jure qu'elle est vraie, d'un bout à l'autre. » Alors une femme déclara d'une petite voix douce « C'est égal, c'est beau d'avoir des passions pareilles. »